Instinct. C'est un mot par lequel on veut exprimer le principe qui dirige les bêtes dans leurs actions. Mais de quelle nature est ce principe? Quelle est l'étendue de l'instinct? Tout le monde connaît la fameuse hypothèse de M. Descartes que ni sa grande réputation, ni celle de quelques-uns de ses disciples n'ont pu soutenir. Les bêtes de la même espèce ont dans leurs opérations une uniformité qui en a imposé à ses philosophes et leur a fait naître l'idée d'automatisme. Mais cette uniformité n'est qu'apparente et l'habitude de voir l'a fait disparaître aux yeux exercés. Pour un chasseur attentif, il n'est point deux renards dont les ruses se ressemblent entièrement, ni deux loups dont la gloutonnerie soit la même. Depuis M. Descartes, plusieurs théologiens ont cru la religion intéressée au maintien de cette opinion du mécanisme des bêtes. Ils n'ont point senti que la bête, quoique pourvue de facultés qui lui sont communes avec l'homme, pouvait en être encore à une distance infinie. Aussi, l'homme lui-même est-il très distant de l'ange, quoiqu'il partage avec lui une liberté et une immortalité qui l'approche du trône de Dieu. L'anatomie comparée nous montre dans les bêtes des organes semblables aux nôtres et disposés pour les mêmes fonctions relatives à l'ensemble des parties qui constituent l'animal. Le détail de leurs actions nous fait clairement apercevoir qu'elles sont douées de la faculté de sentir, c'est-à-dire qu'elles éprouvent ce que nous éprouvons lorsque nos organes sont réunis par l'action des objets extérieurs. Douter si les bêtes ont cette faculté, c'est mettre en doute si nos semblables en sont pourvus, puisque nous n'en sommes assurés que par les mêmes signes. Celui qui voudra méconnaître la douleur a des cris, qui se refusera aux marques sensibles de la joie, de l'impatience, du désir, ne mérite pas qu'on lui réponde. Non seulement il est certain que les bêtes sentent, il l'est encore qu'elles se ressouviennent. Sans la mémoire, les coups de fouet ne rendraient point nos chiens sages, et toute éducation des animaux serait impossible. L'exercice de la mémoire les met dans le cas de comparer une sensation passée avec une sensation présente. Toute comparaison entre deux objets produit nécessairement un jugement. Les bêtes jugent donc. La douleur des coups de fouet, retracée par la mémoire, balance dans un chien couchant le plaisir de poursuivre un lièvre qui part. De la comparaison qu'il fait entre ces deux sensations naît le jugement qui détermine son action. Souvent, il est entraîné par le sentiment vif du plaisir. Mais l'action répétée des coups, rendant plus profond le souvenir de la douleur, le plaisir perd à la comparaison. Alors, il réfléchit sur ce qui s'est passé, et la réflexion grave dans sa mémoire une idée de relation entre un lièvre et des coups de fouet. Cette idée devient si dominante qu'enfin, la vue d'un lièvre lui fait serrer la queue et regarder promptement son maître. L'habitude de porter les mêmes jugements les rend si prompts et leur donne l'air si naturel qu'elle fait méconnaître la réflexion qui les a réduits en principe. C'est l'expérience aidée de la réflexion qui fait qu'une belette juge sûrement de la proportion entre la grosseur de son corps et l'ouverture par laquelle elle veut passer. Cette idée, une fois établie, devient habituelle par la répétition des actes qu'elle produit, et elle épargne à l'animal toutes les tentatives inutiles. Mais les bêtes ne doivent pas seulement à la réflexion de simples idées de relation. Elles tiennent encore d'elles des idées indicatives plus compliquées, sans lesquelles elles tomberaient dans mille erreurs funestes pour elles. Un vieux loup est attiré par l'odeur d'un appât. Mais, lorsqu'il veut s'en approcher, son nez lui apprend qu'un homme a marché dans les environs. L'idée, non de la présence, mais du passage d'un homme, lui indique un péril et des embûches. Il hésite donc. Il tourne pendant plusieurs nuits. L'appétit le ramène aux environs de cet appât dont l'éloigne la crainte du péril indiqué. Si le chasseur n'a pas pris toutes les précautions usitées pour dérober à ce loup le sentiment du piège, si la moindre odeur de fer vient frapper son nez, rien ne rassurera jamais cet animal devenu inquiet par l'expérience.